Je suis imprimeur. C'est une petite machine pour les imprimeurs. Pour moi, c'est une grosse machine. Elle fait 7 mètres de long. Elle pèse 15 tonnes. Et 2 mètres de large et à peu près la même chose en hauteur. Je vais avoir du mal à limiter, je pense. Voilà. Faudrait que je révise un peu pour. Je pourrais pas limiter comme ça. C'est des vibrations, c'est des fréquences, donc forcément il y a un aspect magique, quoi. Tout ce qui est magique, c'est des choses qu'on peut pas. Elle ronchonne. La machine, elle vit parce qu'elle a un moteur, elle a tout un tas de réseaux. C'est comme s'il y avait des réseaux sanguins en fait, dans la machine parce qu'il y a l'huile qui circule partout. Il y a des produits partout, il faut lui donner à manger. C'est un peu comme un gros animal, quoi. Voilà, tu découvres, en fait, tout son a quelque chose, peut te faire découvrir des choses, en fait, par la transposition, quoi, des choses cachées, quoi. Et puis, au départ, c'était des rapports un peu passionnels, mais ça devient quelque chose de... C'est une vraie vie ensemble, quoi. Donc après, évidemment, on lui prête une vie, on lui prête tout un tas de choses, quoi. Voilà. Ça te sort d'un cadre, quoi. Donc forcément, est-ce que sortir d'un cadre, ça, on arrive à la magie peut-être. Bah, en fait, tu fais dire ce que tu veux au son, quoi. J'ai trouvé ça très beau, en fait. Et c'était très curieux parce que c'était très joli et ce qu'on t'entend en fait, en réalité, c'est des fois assourdissant, ça fait mal aux oreilles. Donc et tu peux arriver à faire des trucs qui sont, enfin que t'as jamais entendu nulle part, quoi, ou de mettre le truc que t'as pu entendre quelque part, mais de le mettre dans un tel contexte qu'en fait, il te fait partir sur autre chose. Ouais, et puis c'est imaginaire, quoi. Ça crée des images, donc forcément c'est magique, quoi. C'est des choses que et qui sont pas prévues, quoi. Chacun a des images différentes quand on écoute du son, quoi. Donc thank you.